C'est où ça? Après tout ça, m'importe pas. Ma vie m'ennuie toujours autant. Si tu ne me donnes pas tout, alors autant hausser les épaules encore une fois. Tout ça, c'est n'importe quoi, tant que tu ne me dis pas.